Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une carrière, plusieurs carrières. Celle dans l'administration coloniale, Indochine, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, mais aussi une carrière politique. Ministre des armées du général de Gaulle, ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer de Georges Pompidou et bientôt Premier ministre du même Georges Pompidou. On aura reconnu Pierre Messmer et on en apprendra beaucoup plus en suivant la série d'avoinu que Philippe de Saint-Robert lui avait consacrée en 1997 sur France Culture, quelques semaines après le procès Maurice Papon à Bordeaux, auquel il sera fait très brièvement allusion. Voici les trois premiers volets, une jeunesse aventureuse, la France libre devient la France combattante, puis de la Mauritanie à Dakar. Pierre Messmer, tout le monde vous connaît, je pense, à moins d'être très très ignorant de notre proche histoire et aussi de notre vie politique, mais peu de gens savent qui vous êtes réellement. Alors est-ce parce qu'il y a dans votre vie, dans votre histoire qui se mêle à l'histoire de notre pays, beaucoup de contrastes, et ce que certains prendront peut-être pour une excessive modestie, que moi j'appellerais plutôt une grande réserve qui est née peut-être au fond de l'étonnement que vous avez été d'être jeté dans tant d'aventures, dans tant de batailles. Après tant de batailles, c'est du reste le titre que vous avez donné à vos mémoires, paru en 1995 chez Albin Michel, et dont vous verrez que, surtout pour la première partie de notre entretien, qui se réfère à un temps que je n'ai pas vécu, je me réfère beaucoup. J'ai parlé des contrastes de votre vie. Le lieu où nous sommes est votre bureau de l'Institut. Vous êtes aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Auriez-vous jamais pensé finir ainsi, finir ici, après avoir été gouverneur de la France d'outre-mer, ministre du général de Gaulle pendant 9 ans, Premier ministre de Georges Pompidou de 1972 à 1974, auriez-vous pensé finir ici? Lorsque vous vous êtes embarqué avec votre ami Jean Simon, le général Jean Simon, en juin 40 sur un bateau italien que son commandant, le commandant Villemain, allait détourner vers Gibraltar pour vous retrouver à Liverpool. Ainsi commencent en effet vos trois vies, si je puis dire, celle du soldat, celle du colonial, celle de l'homme politique, encore que je vous vois aujourd'hui dans une quatrième vie, celle d'académicien, en fait, d'homme de réflexion et de témoin. On vous a bien entendu d'ailleurs au procès de Bordeaux, il y a quelques semaines. De votre enfance, de votre jeunesse, dans vos mémoires, vous ne dites rien ou à peu près rien, sinon que votre origine alsacienne vous a marqué, avant même votre naissance, en 1871, d'un sceau indélébile, celui du patriotisme. Alors, oserons-nous en parler ? Oui, j'ai une enfance heureuse. Mais pourquoi vous n'en dites rien ? Mais qui était très marquée par... le fait que ma famille alsacienne avait opté pour la France en 1871. Mon grand-père, qui avait à cet âge-là 18 ou 19 ans, n'avait pas voulu rester en Alsace parce que il serait devenu allemand. Il a donc opté pour la France. À l'époque, on n'était pas très généreux avec ce qu'on appellerait maintenant des réfugiés. Et pour que ces Alsaciens montrent leur patriotisme français, on les invitait pour commencer à faire 3 ans de service militaire en Algérie. Ce qui était le cas de mon grand-père. Vous étiez déjà dans la coloniale, en quelque sorte. Qui a fait 3 ans aux chasseurs d'Afrique en Algérie, et qui ensuite est venu s'installer à Paris. Ce qui explique que je suis né à Vincennes, Vincennes qui est une ville charmante, et dans la banlieue est de Paris, parce que je suppose que mes grands-parents, mes parents avaient une espèce de tropisme vers l'est de la France. En réalité, deux ou trois ans après ma naissance, mes parents sont installés à Paris même, d'abord rue Saint-Maur, dans l'immeuble où se trouvait l'usine que dirigeait mon père, et puis ensuite, quand j'avais 10 ou 11 ans, boulevard Saint-Michel, dans le haut du boulevard Saint-Michel, à la hauteur de l'avenue de l'Observatoire, c'est-à-dire dans un endroit à la fois prestigieux et charmant, dont j'ai gardé le meilleur souvenir. Je répète, j'ai de mon enfance, grâce à ma famille, en particulier grâce à mes parents, mais aussi à mon frère, à ma sœur, j'ai un très bon souvenir. J'ai été un enfant et un jeune homme heureux. Alors, donc votre père était industriel? Oui. Votre père était... Et alors, dans la métallurgie. Dans la métallurgie. Il dirigeait une usine de métallurgie. Et alors, vous faites des études qui, à Massillon, à Charlemagne, à Louis-le-Grand, et vous me dites qu'en 1934, vous entrez à Collo. Qu'est-ce que c'est ça, Collo? Oui, alors, la plus grande partie de mes études a été, toutes mes études secondaires, se sont passées à Massillon, oui, et à Charlemagne. C'est le quartier du Marais. Massillon, oui. Pourquoi Massillon? C'est parce que c'était une école, c'est toujours d'ailleurs, une école toujours, libre, oui. Dirigée par des oratoriens. Oui. À l'époque, l'encadrement oratorien était très fort, je crois qu'aujourd'hui il est très faible. Oui, mais j'étais élève de Massillon, l'encadrement ecclésiastique était fort. Un encadrement par des ecclésiastiques qui avait la réputation d'être cartésien, car l'ordre des oratoriens est un ordre cartésien, et par conséquent, il y avait dans ce collège un climat tout à fait particulier. J'y pense parce que Massillon, à l'époque, était ce qu'on appelait un externat de lycéens, c'est-à-dire Massillon, à partir de la classe de 3e, envoyait ses élèves suivre les cours de Charlemagne et ne les reprenait, si je peux dire, qu'à la sortie des cours de Charlemagne pour les études, pour l'enseignement religieux et pour un certain nombre de choses. C'est un système qui n'est plus possible avec la législation actuelle, mais Massillon avait été fait pour cela, c'est-à-dire pour avoir des élèves qui étaient, dès la classe de 3e, mêlés au lycée de l'enseignement public. Qu'est-ce que c'est que la colo là où vous Alors êtes, après, vous mon, après mon après après votre bachot après mon bachot j'avais décidé de préparer le concours d'entrée à l'école coloniale qui a changé de nom 2 ans après, que s'est appelée quand j'y étais École nationale de la France d'outre-mer. Et les préparations à Paris, il y avait 3 préparations, dont une à Louis-le-Grand. Il y avait d'ailleurs 2 classes préparatoires à Louis-le-Grand. Et il y en avait une à Pasteur, je crois, et une autre à Henri IV. Et c'est en 1934 que j'ai été reçu au concours et que je suis entré à l'école coloniale qui avait comme raison d'être de préparer des administrateurs de la France d'outre-mer et des magistrats pour la France d'outre-mer. Alors, c'était très élitiste, puisque ma promotion ne comptait que 27 élèves et deux élèves magistrats, et que nous sommes sortis à 24 à suite de diverses difficultés. Alors, un de mes camarades est mort, un autre est tombé malade, a redoublé. Enfin, ceci est un détail. Alors, vous écrivez dans votre introduction à vos mémoires: est-ce rejet de cette vie familiale paisible et confortable? Est-ce l'exemple du grand-père qui avait tout sacrifié pour ses idées et sa patrie, était resté pauvre et ne s'en plaignait jamais? J'ai senti très jeune le besoin des grands espaces, la mer, les déserts, le goût de l'aventure avec ses rêves, ses joies et ses dangers. Alors, vous n'allez pas tarder à rencontrer vos rêves, parce que vous êtes pris dans le maelstrom de la guerre et de la défaite. Et alors, je dois dire que là, vous vivez des expériences tout à fait rares, puisque dès le 17... C'est peut-être dans mes gènes. Peut-être. Le grand-père avait refusé de rester en Alsace et était passé en France. Moi, je refuse de rester en France après l'armistice et je passe en Angleterre pour rejoindre les forces françaises libres sous les ordres du général de Gaulle. Oui, mais dites donc, vous n'y arrivez pas. Vous y arrivez à travers des aventures extraordinaires. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bateau italien sur lequel vous vous embarquez avec Jean Simon, votre ami, pour vous retrouver à Gibraltar, puis à Liverpool, parce que c'est par ce biais que vous allez finir par rejoindre le général de Gaulle à Londres. Alors ça, c'est tout de même une aventure extraordinaire. Ce bateau est commandé par le commandant Villemain. Alors, je ne sais pas, comment se fait-il? C'est un bateau qui était une prise de guerre que vous avez faite sur les Italiens? Voilà. Oui. Il faut dire d'abord que Jean Simon et moi, nous avons une très grande chance qui nous a permis de nous sortir de France. C'est que nous étions à cette époque-là, au mois de juin 1940, observateurs en avion. Voilà, c'est ça. Nous étions officiers de l'armée de terre, mais détachés dans l'armée de l'air, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aviation légère de l'armée de terre, la LAT, comme aujourd'hui. Donc, il y avait un certain nombre d'officiers d'armée de terre qui étaient détachés dans l'armée de l'air pour faire, si je peux dire, la liaison et l'observation, la grande reconnaissance. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'hommes de troupes sous nos ordres. Et j'ajoute que l'armée de l'air française ayant été largement détruite au sol dès les premiers jours de l'offensive allemande, nous n'avions même plus d'avions. Par conséquent, la question pour nous d'un attachement à quoi que ce fût ne se posait même pas. Nous n'avions, je le répète, personne sous nos ordres et nous n'avions pas d'avion pour nous battre ou pour nous en servir pour quitter la France. Par conséquent, nous avons été libres, nous nous sommes jugés, Jean Simon et moi, libres de nos mouvements à partir du moment où le maréchal Pétain a annoncé l'armistice. Et nous sommes dirigés vers Marseille parce que il est toujours plus facile de quitter un pays par voie de mer, surtout à l'époque, que par d'autres moyens. Et à Marseille, la question s'est posée à nous de savoir comment nous pouvions sortir de France, comment nous pouvions trouver un embarquement. C'était beaucoup plus difficile qu'on imagine, parce que si Vichy avait capitulé déjà, une grande partie de la police, de la gendarmerie, avait immédiatement bouclé le port de Marseille pour éviter justement ces départs que l'on craignait massifs. Et qui, s'ils n'avaient pas été interdits et sévèrement surveillés, auraient pu en effet avoir comme conséquence des départs beaucoup plus nombreux. Je m'en suis aperçu en circulant dans les rues de Marseille pendant quelques jours. Pierre Messmer, alors ce cargo italien de 8000 tonnes, si je ne m'abuse, dans lequel vous vous retrouvez, comment cela s'est-il fait ? Alors, c'était un bateau italien qui avait été arraisonné par la marine française le jour où l'Italie déclarait la guerre, où il avait la malchance de passer au large de Marseille. Donc on aurait dû le rendre à ce moment-là à l'Italie qui était encore des vainqueurs. Mais c'est tout à fait exact. Et il avait reçu un équipage de prise commandé par le capitaine Houlancourt Villemain, précisément en vue d'être restitué aux Italiens. Le commandant Villemain, lui, a très bien compris la question dès le départ. Et il a eu dans l'idée de constituer un équipage avec des gens qui étaient absolument décidés comme lui à ne pas rendre le bateau et, pour éviter de le rendre, de rejoindre un port anglais. Tout le monde n'était pas de cet avis à bord. Non, tout le monde n'était pas de cet avis, il faut bien le dire. En particulier, le second n'était pas de cet avis, le lieutenant n'était pas de cet avis. Il y avait quand même un personnage très important qui était de l'avis du commandant Villemain, c'était le chef mécanicien. Et le chef mécanicien avait constitué son équipe de mécaniciens avec des noirs dont il était parfaitement sûr, ce qui faisait que la machine ne nous posait aucun problème. Le pont nous en posait beaucoup, et à partir du moment où nous avons décidé de quitter le convoi, qui était un convoi surveillé par un navire de guerre de la marine de Vichy, à partir de ce moment-là, il a fait que ce soit moi qui prenne la barre moi-même. Alors, le commandant Vimin, d'ailleurs, a été condamné à mort par Vichy, au témoignage de ses seconds. Le commandant Vimin a été condamné à mort dès le mois d'octobre suivant par le tribunal maritime de Toulon sur le témoignage de ses subordonnés, que nous avions sans doute eu tort de laisser partir très librement quand nous sommes arrivés à Gibraltar. Nous avons eu la générosité de leur dire, puisque vous ne voulez pas venir avec nous, vous pouvez rejoindre l'Afrique du Nord puis la France. Alors donc, vous arrivez à Liverpool, après Gibraltar, et là, vous êtes immédiatement... Vous rencontrez le général de Gaulle, d'ailleurs une première fois, si je ne m'abuse. Oui, nous arrivons à Liverpool. De Liverpool, nous sommes immédiatement transportés à Londres, et le général de Gaulle reçoit Jean Simon et moi quelques jours après. Nous avions eu le temps quand même de nous faire faire un uniforme assez sommaire, mais nous avions un uniforme. Alors ça, c'est les débuts de la France libre, Pierre Messmer. Vous écrivez « L'individualisme des débuts marquera longtemps la France libre. Les rapports entre les hommes ne seront pas seulement hiérarchiques. Et c'est à bon droit que le général de Gaulle appellera compagnons ceux qu'il nommera dans l'ordre de la libération. » Oui, il faut bien il voir... Il y avait une joyeuse anarchie dans tout ça, sympathique. Il y avait en effet dans la France libre un état d'esprit, je ne dirais pas anarchique, mais très libre, très indépendant. Il y avait, par exemple, dans le régiment de Légion étrangère où j'ai été affecté à ma demande, l'unique régiment de Légion étrangère de la France libre d'ailleurs, la 13e de mes brigades, il y avait à la fois des Russes blancs, il restait des Russes blancs, d'ailleurs parmi ces officiers, l'un est devenu le colonel du régiment Ami Akvari l'année suivante, il a été tué à El Alamein, c'était un prince géorgien. Oui, absolument, oui. J'avais dans ma compagnie un lieutenant qui était un lieutenant Svatkovski, qui était russe, qui avait été sous-lieutenant et lieutenant dans l'armée du tsar. Il y avait en même temps, dans ma compagnie, j'avais 15 anarchistes de la Fédération anarchiste ibérique. C'est-à-dire de l'armée républicaine espagnole qui, après leur défaite, s'étaient réfugiés en France, s'étaient engagés à la Légion étrangère. Par conséquent, il y avait une composition de ces unités qui étaient extrêmement diverses. Et dans la France libre, c'est la même chose. Vous avez à la fois des hommes de gauche et des hommes de droite. Vous avez des jeunes et des vieux. Vous avez des riches et des pauvres. Je dirais qu'il y a une majorité de jeunes. Oui, mais vous dites une grande majorité de jeunes. Toutes les classes sociales. Les Français n'ont pas parlé à toutes les classes sociales, surtout les plus populaires, ce qui d'entrée de jeu marquera le gaullisme. Et vous ajoutez, en juillet 40, la France libre, c'est le général de Gaulle avec une poignée de patriotes résolus et désintéressés. Ils cherchent à sauver l'honneur et ils trouveront le chemin de la victoire. Oui, parce que on croit maintenant, avec le recul du temps, que les Français libres étaient des gens qui étaient aussi intelligents que le général de Gaulle, si je peux dire. Et qui voyaient aussi loin. C'est-à-dire qui voyaient aussi loin et qui étaient persuadés de la victoire. Or, c'est pas vrai du tout. La majorité des Français libres ne croyaient pas, ils n'avaient vraiment pas beaucoup de raisons de croire, en 1940, en juillet 1940, qu'ils avaient rejoint le camp des vainqueurs. Mais ils n'avaient pas accepté la défaite, ils n'avaient pas accepté l'armistice et... non seulement pour l'honneur militaire, mais parce que ils refusaient l'humiliation de la défaite, ils avaient décidé de continuer le combat. Alors vous dites que vous avez été tout à fait conscient à ce moment-là d'être entré dans l'illégalité. Vous dites « Quittant la France, nous entrons dans l'illégalité, hors des routes tracées et balisées par les pouvoirs publics, avançant en révolté sur une terre interdite. C'est à coups de hache qu'il faudra s'ouvrir un chemin ». Oui, je dis l'illégalité, pas l'illégitimité. Mais justement, c'est toute la différence, on en reparlera c'est probablement. C'est la différence. Que vous avez si bien exposé l'autre jour au procès de Bordeaux. C'est qu'effectivement, mon Dieu, la légalité du gouvernement de Vichy peut se discuter, puisqu'il s'est vu remettre les pleins pouvoirs par une assemblée qui elle-même était parfaitement légale. Maintenant, à partir de quel moment sort-on de la légitimité? C'est voilà. Ça le problème. C'est probablement le moment où on abdique la souveraineté nationale. Voilà. Vous remarquez d'ailleurs que parmi ces Français libres, ce sont les officiers supérieurs qui veulent rentrer. Ah oui, c'est tout à fait frappant. Oui. Il y a le sens de la discipline étant plus fort que le monde. Je crois que ce n'est pas seulement le sens de la discipline. Je crois que les jeunes sont beaucoup plus libres. La plupart d'entre nous n'étaient pas mariés, n'avaient pas de famille, et par conséquent, se sentaient vraiment libres de leur mouvement. Beaucoup d'officiers supérieurs, au contraire, beaucoup de fonctionnaires avaient des familles, des biens, des maisons en France, et ils ne voulaient pas s'en séparer. Je crois que c'est aussi une explication, une bonne explication. Alors Pierre Messmer, tout ça commence mal. Ça commence par Dakar. L'affaire de Dakar, c'est-à-dire que les Français libres tentent, avec un appui anglais insuffisant, de débarquer au Sénégal, et les troupes de Vichy s'y opposent par la force. Vous êtes donc pour la première fois confrontés au fait que des Français affrontent des Français, ce que vous vouliez éviter, ce que tout le monde voulait éviter. Et je rappelle ce que l'engagement que nous avions signé dans la France libre nous autorisait à éviter. Et d'ailleurs, vous allez retrouver ce problème à Libreville, à Damas. Mais vous n'hésiterez jamais. Moi, je n'ai jamais hésité dans cette affaire, mais j'ai des camarades, et des camarades qui étaient d'une loyauté et d'une dignité parfaite, qui n'ont pas accepté. Alors vous dites, d'ailleurs là, vous résumez dans une phrase votre attitude, vous dites: on dit que la guerre civile appelle la guerre étrangère, à l'inverse, la guerre étrangère impose parfois la guerre civile. Oui. C'est ce que vous avez ressenti. C'était le cas en ce qui concerne la France de 1940 à 1944. Bien sûr. Alors donc Dakar est raté. D'ailleurs, vous faites une critique assez sévère de l'opération. Oui. Ça vous arrive d'être critique, on le verra à propos de l'Alamein aussi. Oui, l'Indochine aussi, on en reparlera. Donc, l'affaire de Dakar aurait pu décourager tout le monde. Il y a eu une crise très grave après l'affaire de Dakar. Et je crois, bien que le général de Gaulle ait toujours été très discret sur ce sujet-là, que le général de Gaulle lui-même a ressenti profondément cette crise. Alors vous dites que la cause de tout ça, en fait, c'est tout de même l'affaire de Merzel-Kébir, c'est-à-dire que la marine française ne pouvait pas pardonner aux Anglais l'affaire de Merzel-Kébir, et que ça explique en grande partie la manière dont vous avez été accueilli à Dakar. Tout à fait. Alors là-dessus, ça ne vous démobilise pas pour autant, puisque vous vous retrouvez à Yaoundé, et vous allez faire plusieurs opérations, participer à plusieurs opérations, dont l'une à Libreville. Donc là, effectivement, la France libre prend la place des autorités de Vichy. Nous étions obligés de le faire pour une raison très simple. C'est que cette enclave de Vichy, à l'intérieur de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, qui avait rallié le général de Gaulle, constituait une menace très grave, puisque à partir de cette enclave, les forces de Vichy aurait pu nous menacer d'une reconquête, en quelque sorte. Ça n'était pas aussi facile que beaucoup de gens le croyaient, mais ça n'était pas impossible non plus. Et il fallait absolument que nous éliminions cette enclave. Et c'est ce que nous avons fait le 9 et 10 novembre 1940, à la suite d'un combat très violent, mais très rapide aussi, qui s'est passé sur le terrain d'aviation, sur la base aérienne de Libreville, qui est toujours le terrain d'aviation de Libreville aujourd'hui. Et alors ensuite, nous en reparlerons demain, mais vous participez à une opération également en Érythrée. Oui, l'Érythrée, c'est tout autre chose. Dès que nous avons terminé l'opération de Libreville, et nous l'avons terminée le 11 novembre, je me rappelle, puisque Le 11 novembre, nous avons à Libreville célébré un tédéum à la demande du général, du colonel Leclerc. À la grande fureur de l'évêque. À la fureur de l'évêque qui avait interdit à tout son clergé de participer à cette manifestation. Heureusement que nous avions quand même quelques aumôniers militaires. Et le capitaine qui était devenu commandant à ce moment-là, Koenig, tenait l'harmonium. C'était son père, Koenig avait pour père un homme qui avait été un facteur d'orgue. Oui. Et par conséquent, qui était facteur d'orgue. Et par conséquent, Koenig était très bon. Il était un très bon musicien, pianiste, organiste en particulier. Alors, le 11 novembre, à Libreville, Te Deum à la cathédrale, avec le colonel Leclerc au premier rang, et le commandant Koenig à l'harmonium, et puis tout le monde de service dans la cathédrale pour écouter le Te Deum. Mais immédiatement après, le 25 décembre exactement, nous embarquons pour l'Érythrée. Vous n'aurez pas eu beaucoup de repos. Pierre Messmer, nous nous retrouvons demain matin. Bonjour, Pierre Messmer, nous reprenons notre conversation d'hier. Nous avons parlé de votre jeunesse, de votre entrée dans la France libre, et nous vous avons laissé en Érythrée, si je ne m'abuse, après Libreville, l'opération de l'Érythrée. Et maintenant, vous entrez dans une phase beaucoup plus délicate de ce combat de la France libre, puisque vous allez être envoyé en Palestine et en Syrie. Alors comment s'est présentée cette opération où, là encore, vous allez être amené effectivement à prendre part à un combat entre Français que tout le monde ne voudra pas faire, puisque là, il y a même dans l'engagement de la France libre un libre choix qui est laissé dans ce domaine. Oui, c'est un de mes plus mauvais souvenirs de guerre, la campagne de Syrie. Il fallait la faire. Elle a été rapide pourtant. Oui, mais elle a été violente et dure, et surtout, elle a provoqué des blessures qui ont été très durables, de part et d'autre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il fallait faire la campagne de Syrie parce que Vichy s'était servi de la Syrie et du Liban, surtout de la Syrie, pour aider les Allemands à ravitailler la révolte de Rachid Ali en Irak. Et évidemment, c'était insupportable pour les Anglais. Les Anglais pouvaient pas se permettre de perdre l'Irak, c'est évident. Et par conséquent, ils étaient obligés de prendre le contrôle de la Syrie. Et le général de Gaulle, très sagement, connaissant les ambitions anglaises au Moyen-Orient, s'est dit si les Français ne sont pas présents, les Anglais s'installeront en Syrie ou au Liban et n'en repartiront pas. Donc, il faut que j'y aille moi aussi. Mais cette décision avait une conséquence très grave, c'était d'engager la brigade française d'Orient dans une campagne contre d'autres Français. Et à ce moment-là, il y a eu l'application de la règle qui était celle de notre engagement, de l'engagement que nous avions signé avant à Londres ou bien pour ceux qui avaient rallié en Afrique, chacun a fait un choix libre. Alors par exemple, Monclar et le colonel de la Maze ont refusé Dans le régiment où j'étais, mon colonel et mon capitaine ont refusé de faire la campagne. C'est-à-dire qu'il a fallu confier le régiment à un lieutenant-colonel et la compagnie à moi, puisque j'étais le premier lieutenant. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris le commandement de la compagnie pendant la campagne de Syrie, une campagne dont j'ai gardé un terrible souvenir parce que c'était en réalité une guerre civile. Et une guerre civile provoque des affrontements d'une rudesse et même quelquefois d'une cruauté terrible. Enfin, c'est une campagne qui a duré 5 semaines, qui a Alors, donc la été campagne assez rapide. A duré, la campagne a duré simplement 5 semaines, mais elle a été très très violente parce que notre supériorité à terre et dans les airs n'était pas évidente. Les Anglais avaient d'autres problèmes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils ont un front en Libye contre Rommel et qui sont en train de se faire donner une volée sévère dans les Balkans. Vous allez y aller ensuite. Oui, nous irons après. Mais les Anglais ne peuvent pas mettre sur cette campagne de Syrie des moyens très supérieurs à ceux des Français. Et c'est ce qui explique que la campagne que nous avions espéré être une espèce de baroud d'honneur est devenue une campagne très dure. Et après prise de Damas, alors, ni décoration ni citation. Très important. Nous avions très important. Une des règles qui avait été posée avec l'accord de tout le monde par le général de Gaulle, c'est que il n'y aurait ni citation ni décoration pour cette campagne. Parce que vous affrontiez d'autres Français. Parce que nous affrontions d'autres Français. Je dois dire que Vichy n'a pas eu le même scrupule et qu'ils ont largement cité, décoré les militaires qui étaient en face de nous. En fait, vous n'êtes resté qu'une journée à Damas, et là, vous avez rejoint Beyrouth. Je suis resté. Ma compagnie est arrivée la première dans Damas, parce que j'avais réussi à passer à travers la défense de Damas, et j'ai pénétré dans Damas le premier avec ma compagnie. Mais le soir même, enfin la nuit même qui a suivi, nous en sortions, nous avons continué vers le nord, et plus tard, alors après l'armistice de Saint-Jean d'Acre, nous avons été mis au repos à Beyrouth, mais pas pour très longtemps. Et vous avez été auprès de Catrou à ce moment-là ou pas? Non. Je commandais toujours la compagnie, mais j'étais officier de troupe et je souhaitais rester. Au repos. Et j'étais au repos pendant un certain temps. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les Anglais avaient accepté l'idée sur laquelle les Français de Vichy auraient le choix soit de rallier la France libre, soit de rentrer en France. Et dans le cas de la Légion étrangère, car il y avait un régiment de Légion étrangère en Syrie, on peut dire que presque toute la troupe nous a ralliés et presque tous les officiers sont rentrés en France et ensuite en Afrique du Nord. Ce qui a expliqué que la 13e brigade est passée d'un petit régiment à 6 compagnies à un très gros régiment à 14 compagnies et il fallait encadrer tout ce monde-là. À ce moment-là, Ami Akvari était nommé colonel et toute une bande de lieutenants dont j'étais était nommé capitaine. Et vous parlez Capitaine de Légion étrangère à 25 ans, c'était un rêve. Vous parlez beaucoup de la déloyauté anglaise à ce moment-là. Oui. Ah mais les Anglais n'avaient pas changé depuis Lorenz. Alors, voilà. Et maintenant, vous allez être envoyé en Libye et vous allez être amené à participer à la fameuse bataille. Et j'y passerai 2 ans. De Bir Hakeim. Et alors, vous dites des choses assez émouvantes. Vous dites à 25 ans, je suis joyeux d'être dans le désert d'Afrique dont je rêve depuis mon enfance, car je crois que ceux qui en ont la force peuvent y faire de grandes choses. Oui. Vous avez constamment, une espèce de joie de vivre pendant cette période. On pourrait finir par croire que vous aimez la guerre, mais en fait, vous n'aimez pas la guerre. Et vous dites très bien à un moment donné qu'en fait, ce que vous avez aimé dans la guerre, et ça rejoint un peu ce qu'ont dit de grands écrivains comme Monterland et Malraux en leur temps, c'est que ce qu'ils ont aimé dans la guerre, c'est la découverte de la fraternité. Oui. Et vous dites cela quelque part. La fraternité d'armes. Oui, la fraternité d'armes. Non, je suis resté en Libye de décembre. Alors, donc, vous avez 1941. Décembre 41. Jusqu'au début de 1943, quand nous passons en Tunisie. Donc je reste en Libye pendant 2 ans. Oui, mais alors là, il y a la fameuse bataille en Libye, la fameuse bataille de Bir Hakeim. Il y a celle d'Al Alamein aussi qui suit. Mais Bir Hakeim, c'est extrêmement important. Vous dites que pour la France libre, c'est un tournant. D'ailleurs, après Bir Hakeim, la France libre s'appellera la France combattante. Oui. Oui, c'est très important parce que c'est la première fois que la France libre se trouve, qu'une unité importante de la France libre, une brigade entière, se trouve face à une force allemande très puissante, bien commandée par un bon général qui s'appelait Rommel, et que la bataille se termine par une victoire. Alors ça, c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, depuis 1939, les batailles que les Français ont livrées contre les Allemands se sont terminées très mal pour les Français. La victoire pour une fois, eh bien, c'est l'inverse. Et alors, la victoire consiste en ceci, que vous avez retardé Rommel. Ah, elle consiste dans deux. Elle consiste d'abord, c'est une victoire proprement militaire. Vous parlez, ce que vous dites, c'est la stratégie. Voilà. Alors, j'y viendrai dans un instant. Mais il y a d'abord une très grande victoire tactique. Oui. Parce que, à la fin du siège de Bir Hakeim, qui a duré 15 jours, il y a 32 000 Allemands et Italiens qui assiègent 3 500 Français. Aye. C'est-à-dire, grosso modo, 10 contre 1. Et avec des moyens aériens qui sont énormes, qui nous écrasent, avec une artillerie qui est beaucoup plus puissante que la nôtre. Par conséquent, que ces 3 500 Français, d'abord, gardent une position qui est à peu près intacte, après 15 jours de siège, dans ces conditions-là. Pas tellement pendant le siège. Ouais. C'est à la sortie qu'il y a beaucoup de morts. Ouais. Et que, au bout de 15 jours, malgré l'épuisement de leurs munitions, malgré le fait qu'il n'y avait plus d'eau non plus, et que les rations d'eau étaient tellement basses que, vraiment, on peut dire que la langue collait au palais, ces 3 500 hommes et la force de rompre l'encerclement et de sortir pour se regrouper en arrière avec l'armée anglaise qui est en retraite, ça c'est une victoire tactique énorme. Et d'ailleurs Rommel, honnêtement, le reconnaît dans ses mémoires. Il reconnaît que c'est une victoire tactique. Alors la victoire stratégique, c'est d'avoir retardé pendant 15 jours Rommel, à un moment où le temps, c'était pour lui très très important, puisque quand il va arriver, épuisé, il faut bien le dire, à El Alamein, il sera arrêté par deux divisions australiennes et néo-zélandaises que les Anglais ont eu le temps de rameuter venant d'Irak et de Syrie et qui arrêteront Rommel parce que Rommel est épuisé à ce moment-là. Ça, c'est la victoire stratégique. Alors, pour la France libre, donc, disais-je, ça, c'est un tournant extraordinaire parce que, enfin, on connaît la fameuse phrase du général de Gaulle, pleure de joie. Ouais. Hein, il est absolument bouleversé quand il apprend ce succès. Et évidemment, si je puis dire, après l'échec de Dakar, ça redore très largement le blason de la France libre vis-à-vis des alliés. Et en même temps, ça lui permet de transformer la France libre en France combattante. Oui. Voilà. Alors, après Bir Hakeim, parlons un peu du général Koenig, parce que vous en parlez beaucoup. Nous allons voir qu'à El Alamein, vos rapports vont un tout petit peu se dégrader. Alors, comment se fait-il que votre compagnie donc se retrouve en Égypte, au Caire, où d'ailleurs vous êtes nommé juge? C'est tout à fait étrange, et c'est à ce moment-là que j'apprends que vous êtes docteur en droit, d'ailleurs, parce que vous êtes tellement modeste que vous parlez de vos études, vous ne le dites pas. C'est entre Bir Hakeim et El Alamein. Oui. Alors, nous avions été mis au repos, non pas au Caire, mais à côté du Caire, d'abord sur la route, dans le désert chaque fois, sur la route entre le Caire et Ismaïlia, puis ensuite sur la route entre le Caire et Suez, à côté d'Héliopolis. Parce qu'il fallait quand même reconstituer la brigade, songer qu'avec les deux bataillons de Légion qui sont dans Bir Hakeim, on en fait un seul. Par conséquent, il faut sérieusement reconstituer les forces et puis les rééquiper avec du matériel neuf que les Anglais nous fournissent naturellement. Et donc pendant 3 mois, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, nous sommes au repos et en rééquipement, en phase de rééquipement, à côté du Caire. Et en effet, à ce moment-là, je fais un intérim de juge d'instruction au tribunal militaire de la division. C'est un peu inattendu, ça. Oui, c'était un peu inattendu, parce que tout simplement, il y avait un juge d'instruction qui avait un peu déraillé. Ça arrive de temps en temps et qui poursuivait pour désertion à l'étranger en temps de guerre des malheureux soldats qui avaient été simplement tirés une bordée au Caire. Oui, en effet, c'était pas. Parlons un petit peu de vous. Vous dites, bon, dans ces périodes, il y a quand même des moments un petit peu de repos et de méditation. Et vous parlez à un moment donné, par exemple, des livres que vous avez dans votre cantine, dans lesquels vous plongez de temps à autre. Alors, il y a Pascal, il y a Guerre et Paix, Il y a le voyage du centurion, c'est intéressant parce que ça, c'est bien de votre génération, le voyage du centurion d'Ernest Picari. C'est vraiment cette espèce d'exaltation du désert. Et puis il y a Peggy, alors ça vous fait un mètre en commun avec le général de Gaulle, parce que dans son deuxième volume de son livre sur le général de Gaulle, Alain Peyrefitte raconte que finalement, Peggy était certainement l'écrivain qui a le plus inspiré le général de Gaulle. On connaît ses affinités avec Barrès, avec beaucoup d'autres, mais c'est Peggy qui finalement, il le lui dit à un moment donné, aura été le plus présent tout au long de sa formation. Oui, je me suis toujours demandé si le général de Gaulle appréciait Peggy pour les cahiers de la quinzaine ou pour ses poésies. Je pense qu'il y avait les deux, parce que dans les poésies, il y a l'aspect d'exaltation patriotique. Il est certain que les poésies ont beaucoup inspiré le général de Gaulle. Mais je me demande si certains cahiers de la quinzaine ne l'ont pas inspiré aussi très sensiblement. Alors que dans le Peggy que j'avais dans ma cantine en temps de guerre, ça n'était pas les cahiers de la quinzaine, c'était les poésies. Et puis vous relisez les sept piliers de la sagesse aussi. Ah mais c'était nécessaire parce que le théâtre d'opération veut cela. Ouais. Et puis il faut pas oublier qu'à l'époque, ça n'est pas très loin, hein. Nous sommes en 1942, et sept piliers de la sagesse, c'est 1917. Absolument, oui. Et il y a, à ce moment-là, en Égypte, des tas d'officiers anglais qui ont été sous les ordres de Lawrence, ou qui étaient les camarades de Lawrence. Oui, Lawrence est un homme qui est très très proche. Très présent. On s'en rend plus compte maintenant. Il est mort en 39, je crois. Mais, oui, il est mort en 38, je crois, dans un accident de moto. Lawrence était beaucoup plus présent qu'on peut l'imaginer maintenant, dans l'esprit des Anglais. Qui était au Moyen-Orient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, votre joie de vivre, dirais-je, ne perd rien de sa force, puisque vous écrivez « Je suis heureux parce que je suis certain, avec toute la brigade, que nous serons bientôt engagés dans une grande bataille ». Vous dites encore « Aujourd'hui, comme au XVIIIe siècle, notre regard embrasse tout le champ de bataille. Quelle joie ! Heureux parce que ce matin, je n'ai pas peur des balles, des obus ni des bombes. Depuis 1939, souvent j'ai connu la peur, je l'étouffais mais elle me tenait, personne ne l'avait vue mais moi je le savais, et vous ajoutez encore, malgré deux jours de combat, deux nuits sans sommeil, je ne sens pas la fatigue mais une sorte d'exaltation. Oui, il y a des moments de grâce, si je peux dire. Il y a des états de grâce à la guerre, comme en temps de paix. Alors, j'avais des moments où, en effet, j'avais pas peur, même si c'était dangereux, mais d'autres moments où j'avais peur. Je pense que chacun vous a permis de traverser cette période, parce que dites donc, ça tombe autour de vous. Hein. Ah oui, ça tombe beaucoup, surtout elle à la main. Et vos proches. Surtout elle à la main, et c'est sans doute l'origine de la difficulté que j'ai eue avec le général. Général Koenig après la bataille de Alors, elle a la mène. Donc là, l'armée de la France libre, qui est sous le commandement de Koenig, seconde la 8e armée de Montgomery. Il y a une division française, la première division française. Et alors vous dites. Dans la 8e armée britannique, et alors il y a à ce moment-là 14 divisions. Et alors vous dites, Pierre Messmer, Koenig a cru qu'il allait pouvoir recommencer ce qu'il avait fait à Bir Hakeim, et là, il s'est trompé. Oui, d'abord, je dois dire que la bataille d'Alamein ne soulève pas mon admiration. Oui, mais vous avez beaucoup de réserves sur la conception de la bataille. Je crois que Montgomery, qui a une très grande réputation, ne l'a mérité à l'Alamein que parce qu'il a été vainqueur. Mais il a été vainqueur dans des conditions qui ne démontrent pas que c'est un très grand général. Oui, parce que Rommel, comme vous l'avez dit, était épuisé. Oui, Rommel était épuisé, et nous avions à ce moment-là une supériorité aérienne écrasante pour la première fois. Mais le système qui consiste, un soir, à 10h du soir, avec un barrage d'artillerie gigantesque, et qui faisait penser un peu à ce que pouvait être Verdun, à lancer tous les braves fantassins baïonnettes au canon droit devant eux, ça me paraît pas être d'une intelligence militaire particulière. Et là, vous avez beaucoup de pertes. Là. Et alors, comme je me trouvais dans cette situation-là, avec une autre compagnie de mon bataillon, eh bien, nous avons attaqué, en effet, de nuit, 200 hommes, au coude à coude, en ligne au coude à coude, tous sur la même ligne, et quand nous sommes passés, naturellement, mais dans la nuit, j'ai perdu la moitié de ma compagnie. Oui. Tous les officiers, la moitié de ma compagnie. Vous écrivez, c'est là où vous citez d'ailleurs Guerre et Paix, « Rapide et silencieux, nous marchons à l'ennemi, je ne pense à rien, délivré par le mouvement des muscles de l'angoisse qui me serrait le cœur tout à l'heure avant de franchir, et là vous citez Tolstoï, cette ligne terrible de l'inconnu et de la terreur, si semblable à celle qui sépare les vivants des morts. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ce que vous avez ressenti. Oui. Exactement ça. Alors, la défaite de... Attendez, il y a un endroit, là, au moment de l'Anamène, où... Comment ça s'appelle? Imémat. Imémat. Alors, Imémat, c'est là où vous êtes engagé pendant... Oui, c'est là, et c'est la crête dont nous emparons. Et alors, à Minakvari... Minakvari sera tué quelques heures plus tard. Voilà, c'est ça. Il est tué à ce moment-là. Et là, vous avez rencontré un tas de gens dont on parlera beaucoup par la suite. Vous avez à vos côtés Ballardière, par exemple, le secrétaire général de Ballardière, ce militaire pacifiste. J'étais très, très ami de Ballardière, en effet, qui commandait à ce moment-là l'un des deux bataillons de Légion étrangère. Monclar est là aussi en... Non, Monclar n'est plus Monclar là. Monclar a quitté le commandement de la Légion, comme je l'ai dit, au moment de la campagne de Syrie, parce qu'il n'a pas voulu participer à la campagne de Syrie. Mais tout de même, pour montrer que ça n'était pas par peur, il a toujours accompagné le régiment sans le commander pendant toute la campagne. Et le colonel Et alors, à la suite de cela, le général de Gaulle l'a nommé général, mais Monclar... Oui. N'aura plus de commandement militaire jusqu'à la fin de la guerre. Et Lamaze, qu'est-ce qu'il devient sur Lamaze? Lamaze a été tué à la sortie de Birakeim. C'est ça. Alors, donc, c'est là que Koenig dit, Mesmer est calme, très calme, trop calme. Il semble que vous ayez exprimé votre réprobation de la manière dont les affaires étaient menées et qu'il l'ait mal pris. Oui, parce que le lendemain de notre combat, Koenig, qui était très très touché, profondément touché par la mort d'Amilakvari, qu'il aimait beaucoup, et la mort d'Amilakvari avait déchiré le cœur de Koenig. Koenig est venu nous secouer, nous dire quasiment que nous étions des bons à rien. Mes camarades officiers d'actifs très disciplinés n'ont rien dit, et j'ai été le seul qui a dit « mais j'accepte pas ce que vous dites » devant tous mes camarades. Oui. « Genre, j'accepte pas ce que vous dites parce que regardez les pertes que j'ai eues dans ma compagnie, et si j'ai eu de telles pertes, c'est peut-être parce que l'affaire n'était pas montée comme elle aurait dû l'être. » Alors il vous envoie en exil. Alors, c'est fini la guerre pour vous. Non, c'est pas fini, pas du tout, c'est pas fini. Ah ben, si, non, vous ne combattez plus après ça. Ah si, j'ai en Tunisie. Ah oui, en Tunisie. Oui. Mais alors, quand est-ce que... C'est après. C'est pas du tout pour cette raison-là que je suis un peu mis sur la touche. Mm. C'est parce que, après la campagne de Tunisie, quand la campagne de Tunisie est terminée, beaucoup de Français de l'armée d'Afrique du Nord s'efforcent de rejoindre les forces françaises libres parce que nous avons une expérience de la guerre, un prestige et, je dirais, disons les choses simplement, une popularité que n'ont pas les forces d'Afrique du Nord, que n'ont pas les officiers en particulier d'Afrique du Nord. Alors la troupe se sent beaucoup plus attirée vers nous et vient vers nous. Et comme je trouvais que c'était très bien que des jeunes soldats d'Afrique du Nord ou des sous-officiers des troupes d'Afrique du Nord rejoignent la France libre, j'avais organisé une véritable filière de mutations volontaires, comme je les appelais. Naturellement, les militaires d'Afrique du Nord appelaient ça des désertions. Et... tout le monde a trouvé que c'était très bien, jusqu'au jour où le général de Gaulle et le général Giraud se sont mis d'accord, où le général Koenig a été nommé adjoint du chef d'état-major de l'armée, et qu'il a trouvé que c'était très mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a voulu me séparer de mes camarades, sur lesquels il trouvait que j'avais sans doute trop d'influence, et surtout m'éloigner du lieu de mes exploits, parce que les gens d'Afrique du Nord trouvaient que faire ce qu'ils appelaient déserter, moi je disais muter leur personnel, c'était tout à fait inadmissible. Il n'a pas trouvé d'autre solution Naturellement, il n'était pas question de me sanctionner, ça aurait fait un scandale épouvantable. Et il n'a pas trouvé d'autre solution que de m'envoyer en mission aux Antilles, avec l'espoir que j'y resterai longtemps. Mais, et vous allez aux États-Unis, en fait. J'ai été des Antilles aux États-Unis, et des États-Unis, je suis revenu. Et alors là, vous avez des phrases assez sévères pour les Français d'Amérique. Ah oui, je... Donc vous dites que la prend attention à s'américaniser. Le climat du milieu français de New York, quand j'y étais, c'est-à-dire à l'automne 1943, au mois de septembre 1943, n'était pas un climat très guerrier. C'était l'influence d'Alexis Léger, d'Henri de Kéry, tous ces gens-là qui prédominaient, en fait, n'est-ce pas? Oui, c'est nettement, très nettement. Alors vous allez vous retrouver à Londres. En octobre 1943. Oui, ce qui montre que Koenig, tout en me considérant comme un personnage qu'il faut surveiller de près, ne m'en veut pas, c'est quand Koenig arrive à Londres pour comme commandant en chef des forces françaises en Grande-Bretagne et des forces françaises de l'intérieur, il me prend immédiatement son état-major pour préparer le débarquement en 1944, en juin 1944. La libération, Pierre Messmer. La libération, vous dites, moins d'un mois après la libération de Paris, je suis malheureux et insupportable. On en reparlera demain. À demain. Bonjour Pierre Messmer, nous reprenons notre conversation et je vous ai laissé hier à ce moment de la libération où vous vous jugez vous-même devenu absolument insupportable par l'ennui où vous vous trouvez de ne plus agir. Mais en fait cet ennui ne va pas durer longtemps puisque très rapidement, 6 mois après, on vous envoie par les Indes, je ne comprends pas très bien pourquoi, par Calcutta, rejoindre l'Indochine. Vous avez 29 ans. Ah oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que si je suis reparti, c'est parce que j'étais à la fois très heureux de la libération de la France, c'était mon rêve. Par conséquent, j'en étais très heureux. Mais comme beaucoup de rêves, quand on se réveille, on est un peu déçu. Oui. Alors je dois avouer que j'étais à la fois heureux et déçu. Vous êtes toujours sous les drapeaux, sous l'uniforme. Je suis toujours sous l'uniforme, bien sûr. Je suis toujours capitaine de la Légion étrangère. J'ai pas eu beaucoup d'avancement pendant la guerre. J'ai remarqué, oui. Vous êtes colonel quand même maintenant. Ah oui, bien après. Mais j'étais vraiment... Je m'en plaignais pas, je trouvais ça très bien. J'étais heureux et déçu, et là, pour moi, en temps de guerre, la façon de me remettre en bonne forme, c'est de participer à l'action, et c'est pourquoi j'ai demandé à être affecté en Extrême-Orient. Mais on m'a affecté en Extrême-Orient bien avant la capitulation japonaise, 6 mois avant, et par conséquent, je suis affecté en Extrême-Orient pour commander la mission française à Calcutta, la mission française qui est destinée à constituer les cadres qui, plus tard, serviront à la relève en Indochine. Plus tard, c'est-à-dire 6 mois après. Mais alors, on vous parachute en Indochine dans des conditions invraisemblables. Ah oui, je suis parachuté. Alors là, si vous n'avez pas laissé votre peau, c'est que vraiment, vous êtes protégé. Je dois dire que je m'en suis sorti par ma propre industrie, parce que si j'avais attendu mes chefs pour m'en sortir, j'y serais resté définitivement. Vous êtes 3, d'ailleurs, il y en a un qui meurt. Oui, mon adjoint est assassiné. Oui. Et je m'en tire avec mon sous-officier radio en m'évadant, ce dont je suis très fier, car je crois qu'il y a très très peu d'exemples de Français. Vous êtes prisonnier du Viet Minh, moi. Je suis prisonnier du Viet Minh. Oui. Et il y a très peu de prisonniers français du Viet Minh qui sont évadés, et aucun prisonnier américain. Oui. Ça fait un peu penser, quand je lis le récit que vous faites de cette période, je pense un peu au récit de la voie royale de Malraux. Vous savez, il y avait un peu cette atmosphère étrange où on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, où on est traîné de lieu en lieu, etc. Et alors, vous avez ce mot extraordinaire, quand vous arrivez enfin à Saïgon ou à Hanoï, je ne sais plus, le 26 octobre 45, et que vous êtes enfin remis à Saint-Denis, qui est notre représentant, vous lui dites « Nous nous excusons d'arriver avec un tel retard. » Ben oui, nous avions pris 3 mois de retard. Oui, bon, vous n'y étiez vraiment pour rien. Oui. Et alors là, vous êtes pris dans toute cette affaire qui va se terminer comme on sait. La France libérée veut réaffirmer sa souveraineté en Chine. Jusqu'en nous sommes en 1945 encore, et jusqu'en 1948, je vais être directement mêlé à toutes les affaires indochinoises. Cette opération, là, vous parlez de votre parachutage, avait été préparée avec autant d'incompétence que de bêtises. Oui, c'est tout à fait vrai. Et je suis pas le seul à le penser, malheureusement. Mais ça. Alors à ce moment-là. Ça m'a donné l'avantage d'avoir une connaissance par l'intérieur du milieu vietnamien, parce que pendant trois mois, j'ai vécu uniquement avec des Vietnamiens, sans voir d'autres Français que mon propre radio. Et ça vous donne une connaissance, effectivement, de ce qui se passe en Indochine, que vous allez utiliser très rapidement ensuite. Mais D'Argentlieu et Leclerc sont déjà en Indochine à ce moment-là? Non. D'Argentlieu et Leclerc arrivent beaucoup plus tard. Moi, je suis parachuté au mois d'août 1945. Et eux arrivent. Et eux arrivent au mois de Leclerc en octobre et d'Argentlieu en novembre. Enfin, c'est ça, octobre, au moment où vous avez, c'est-à-dire vous rejoignez. Au moment où m'étant évadé, je suis dirigé sur Saigon d'abord, et puis ensuite, comme j'étais en assez mauvais état physique, sur Paris. Vous rentrez à Paris donc fin novembre 45 et vous vous faites démobiliser le 1er janvier 46 après 8 ans et 3 mois de service ininterrompu. Et alors là, comment est-ce que vous rentrez dans la vie civile? Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? En réalité, j'ai pas de problème pour rentrer dans la vie civile parce que j'étais déjà administrateur de la France d'outre-mer. Oui. Par conséquent, j'avais jamais eu le temps d'exercer. J'ai pas exercé, mais administrativement, il y a aucun problème. Oui. Et par conséquent, je suis immédiatement affecté dans une fonction d'administrateur, d'abord au cabinet. Je le répète, en état physique assez défectueux, la suite de toutes mes aventures, et il fallait que je reste quelque temps en France. Alors j'ai été affecté d'abord au cabinet du ministre, qui s'est trouvé pendant quelques jours être sous stèle, après le départ du général de Gaulle que Soustelle suit, de Marius Moutet, qui me connaissait déjà et qui avait pour moi une espèce de sentiment paternel, alors qui était très content de me garder à son cabinet pour m'occuper des affaires indochinoises précisément. Mais vous dites tout de même qu'on vous éloigne. Oui. Ah ben oui, parce que j'étais un petit peu un personnage qui gênait. Je gênais doublement. Je gênais à la fois les spécialistes de l'Indochine qui, évidemment, qui n'avaient pas été parachutés sur le fleuve rouge. Et qui me trouvaient tout à fait en désaccord avec eux. Oui. Moi, j'étais persuadé que l'Indochine était déjà indépendante alors qu'eux s'imaginaient que c'était toujours une colonie française, en quoi ils se trompaient complètement. Et d'autre part, je gênais même dans le cabinet de Marius Moutet. Il faut dire que ce cabinet de Marius Moutet était... je dirais assez fortement colonisé par des francs-maçons, des socialistes de vieille obédience, qui étaient d'ailleurs très sympathiques. Ce sont des hommes de la Troisième République. Exactement. Et alors, d'ailleurs, Marius Moutet avait été ministre dans le gouvernement de Léon Blum, ministre de la France d'outre-mer dans le gouvernement de Léon Blum, et qui évidemment me trouvait un personnage pour eux presque incompréhensible. Oui. Alors, j'étais un peu marginalisé, en quelque sorte. Oui. Alors, donc, au mois d'avril, on vous éloigne. Au mois d'avril, on m'envoie à Dalat pour participer à la conférence franco-vietnamienne. Qui doit préparer la conférence de Fontainebleau. Quand je reviens, on me désigne pour participer à la conférence de Fontainebleau. Les deux conférences, d'ailleurs, n'aboutissant absolument à rien. Alors, quand vous vous retrouvez à Dalat, à ce moment-là, quel sentiment avez-vous? Il y a la politique de l'amiral d'Argentlieu, il y a celle de Leclerc qui serait un peu différente. Oui. Leclerc, lui, envisage l'évolution de l'Indochine. Oui. L'amiral d'Argentlieu veut rétablir la souveraineté française telle qu'elle était avant la guerre. Oui, Leclerc aussi, d'ailleurs. Mais Leclerc par d'autres aussi, moyens. Par d'autres moyens. Et surtout, d'Argentlieu s'en tient avec une rigueur excessive, qui tenait à son caractère, à la déclaration du 24 mars 1945 sur la politique française en Indochine, qui est une déclaration qui était déjà dépassée au moment où elle a été faite. Alors, vouloir l'appliquer à l'Indochine dans l'État où se trouve l'Indochine en 1946, c'est-à-dire avec un gouvernement Viet Minh à Hanoï et une insurrection généralisée dans le Sud, c'est vraiment impossible. Quelle était l'idée? Le général de Gaulle est retiré du pouvoir, mais quelle était son opinion là-dessus? Qu'est-ce qu'il pensait que l'on pourrait faire et qu'est-ce que vous pensez qu'il eût fait s'il était resté au pouvoir? Alors, c'est intéressant. Oui. Maintenant, on le sait. Oui. On le sait très bien. Le général de Gaulle avait une idée et il avait un homme. Et cet homme, c'était l'ancien empereur, voilà, qui avait été, disons, remercié et exilé dans l'île de la Réunion. Ça, c'est pas Baudaille. C'est pas Baudaille. Celui dont vous parlez sera tué dans un accident d'avion. Voilà. Exactement. Oui. C'est le prince Vinsan. Voilà, c'est ça. Oui. Le prince Vinsan. C'était l'homme que le général. Il avait été empereur étant jeune. Oui. Il avait organisé pendant la guerre de 14-18 une espèce d'insurrection qui avait complètement raté. Oui. Il avait été ramassé au bout de 8 jours. Oui. Naturellement, il avait été détrôné. On l'avait envoyé en consommation à l'île de la Réunion. Et l'idée du général de Gaulle, c'était de reprendre cet homme-là, de reprendre Vinsan, et avec lui, d'essayer de monter une nouvelle Indochine. Or, Vinsan était, autant que Ho Chi Minh, partisan de la réunification et de l'indépendance. Oui. La réunification tout de suite et l'indépendance à terme. Il acceptait l'indépendance à terme. Mais c'était exactement la même chose. Par conséquent, en réalité, le général de Gaulle pensait faire une politique différente de celle qui avait été décrite dans ce document absurde du 24 mars 1945, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà, oui. Alors, Vinsan se tue dans un accident d'avion. Provoqué? Oh, c'est ce qu'on a dit, je le crois pas. En tout cas, pour Leclerc, on ne saura jamais. En tout cas, rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Et le général de Gaulle s'en va. Oui, si je peux dire, l'hypothèse, car c'est une hypothèse, Vinsan disparaît complètement. Alors, à votre tour de Dalat, donc vous êtes mêlé à la conférence de Fontainebleau qui échouera, vous êtes nommé secrétaire général du comité interministériel pour l'Indochine. Vous ne resterez pas longtemps d'ailleurs. Mais non. Vous rappelez qu'à l'époque, vous êtes encore très jeune. Vous l'êtes toujours, mais vous avez 30 ans. Je pars comme directeur de cabinet de Boller en Indochine où je resterai 18 mois. Et vous dites que les responsables de la situation, en fait, sont les politiques qui ne savent pas se décider, qui ne savent pas. Une incapacité de la 4e République à choisir une politique indochinoise qui a été tragique. Il y a ce moment extraordinaire où Auriol vous fait venir, Vincent Auriol, président de la République, pour vous demander de faire pression sur le général Leclerc pour qu'il accepte d'être haut commissaire en Indochine. Oui, enfin, c'est un bon garde de rire. C'est absolument ridicule. Mais j'ai pas besoin de vous dire que quand je vois Leclerc, je ne fais aucune pression sur lui et je comprends très bien les raisons qu'il a de refuser. Et vous dites, pour la première fois de ma vie, j'assistais à la corruption d'une administration par l'argent et j'étais impuissant à l'enrayer. Oui, ça c'est le résultat, c'est le début du scandale des piastres. Oui. J'expliquerai par la suite, en particulier dans le livre que je suis en train de préparer sur la décolonisation, j'expliquerai que le scandale des piastres est dû d'abord à une faute majeure du ministère des Finances français, qui a été la réévaluation de la piastre indochinoise, qui valait 10 francs et qu'on a porté à 17 francs. Oui. Du coup, évidemment, les trafics devenaient inévitables. Bon, alors donc, finalement, tout ça tourne mal. Vous retournez à Paris, finalement, au bout de 18 mois, assez rapidement. Oui, 18 mois. Et puis vous dites, quel gâchis, vous devenez chef de cabinet de Georges Gorce, mais ça ne dure pas très longtemps. Pendant 3 semaines, je crois. Et puis, à ce moment-là, vous vous décidez à faire enfin votre métier d'administrateur de la France d'Outre-mer, et vous allez faire différents pays. Ah ben, je l'avais fait en Indochine. Un petit peu, directeur de cabinet du haut-commissaire. C'est vrai, oui. C'est un métier d'administrateur, mais je l'avais fait dans des conditions tout à fait particulières. Enfin, là, maintenant... vous allez vous consacrer uniquement à l'Afrique noire. Ah, oui, voilà. Tout à fait. Alors, pendant 10 ans, voilà. Je ne sortirai pas d'Afrique noire. Alors, vous partez d'abord comme gouverneur en Mauritanie. Même pas comme gouverneur. Non. Comme commandant de cercle, comme administrateur, commandant un très grand cercle, le cercle de Hadra, oui. Dans le nord de la Mauritanie. Et ensuite, au bout de 2 ans, je deviens gouverneur de la Mauritanie. Ouais. J'ai passé 4 ans en Mauritanie, 1950 à 1954, et j'y étais parfaitement heureux. Alors, Pierre Mesmer, vous êtes content, là, il y a du sable, du désert. Là, vous voilà, je suis très content. Vous revivez votre voyage du centurion. Et des hommes avec lesquels je m'entends très bien. Les Mauritaniens sont des hommes avec lesquels mon caractère me permet de m'entendre bien. Et je crois que eux sont, de leur côté, assez contents de moi aussi. Là où vous aurez plus de difficultés, je passe, il y a beaucoup d'histoires assez amusantes, en particulier celle de cette dame qui avait voulu accompagner son mari. Enfin bon, si nos auditeurs ont le goût de lire vos mémoires, ils y trouveront quelques récits piquants. Là où ça va être plus difficile pour vous, c'est le Cameroun. Ah, oui. C'est le Cameroun, parce que là, vous allez vous heurter. Le Cameroun, d'abord, n'est pas une colonie. Oui, et puis le Cameroun traverse une crise terrible. Oui. Le Cameroun quand j'arrive au Cameroun, le Cameroun est quasiment en insurrection. Enfin, plutôt une partie du Cameroun, le pays Bassa et bientôt le pays Bamileke sont en insurrection. C'est-à-dire que je me retrouve en 56. Avril 56, vous êtes haut commissaire au Cameroun et vous avez en face de vous Niobe, qui était un des grands chefs communistes africains. Voilà. Ils étaient tous communistes à l'époque. On ne sait pas très bien s'ils savaient ce que ça voulait dire, mais ils étaient tous communistes. Même votre ami Oufouette l'était, n'oublions pas. Oui, il l'avait été. Il l'avait été. Oui. Pour Oufouette, c'est plus compliqué. Oui. Je vous en expliquerai plus tard. Oui. Pas ici, mais c'est plus compliqué. Teskoum Niobe, c'est un communiste de stricte observance pendant longtemps. Alors, en vieillissant et se retrouvant dans les maquis, il redevient très africain, beaucoup plus que communiste. Mais il tient le maquis quand même. Il va falloir l'en faire sortir. J'essaie de l'en faire sortir d'abord par la négociation. Et je prends comme intermédiaire l'évêque de Douala, qui était un brave homme et en plus un homme proche d'Oum Niobe. Ça la ne marche tribu, pas. La même tribu. Oui, exactement, oui. Bassa. Oui. Et ça ne marche pas. Et à ce moment-là, nous recourons à la méthode militaire et nous réglons la question. Militairement, nous réglons la question. C'est-à-dire que Oum Niobe est tué et le pays Bassa est remis en paix. Enfin, vous savez, vous montrez que vous savez aussi bien négocier que vous battre. Ah oui, ça, il faut savoir. Oui. C'est indispensable. Il faut avoir les deux possibilités. Mais quand on a fait un choix, on l'a fait. Oui, voilà. Voilà. Alors ensuite, vous allez, alors ça, début 58, ça va pas durer longtemps, vous êtes nommé haut commissaire en Afrique équatoriale. Oh, ça ne dure pas, ça dure quelques Gérard mois. Gérard Jacquet, oui. Et ensuite... Je me fais remarquer à ce moment-là, en réclamant le retour du général de Gaulle au pouvoir. Voilà, vous envoyez des télégrammes. Ce qui fait penser que je repars en dissidence une fois de plus. Alors, dès le mois de juillet, vous êtes envoyé à Dakar. Là, le général est revenu. Oui, c'est le général qui me nomme à Dakar. Il vous est à Dakar. Donc là, vous passez de l'Afrique équatoriale à l'Afrique occidentale. Je reviens en Afrique occidentale. Je reviens en Afrique occidentale. J'avais été 6 ans... Et vous y recevez le général de Gaulle à Abidjan le 24 août. Abidjan, oui. Puis à Conakry, avec Sékou Touré, puis à Dakar. Oui. Alors parlons de Conakry, parce que ça c'est la grosse affaire. Ah bon, oui, c'est-à-dire, c'était une erreur d'abord de faire arrêter le général de Gaulle à Conakry. Oui, vous le dites, il n'aurait dû s'arrêter que dans les capitales À Abidjan fédérales. Et à Dakar, oui, uniquement. Oui. Mais c'est Cornu Gentil qui a Alors c'est Cornu Gentil qui était votre ministre qui était mise à la France d'outre-mer qui a convaincu le général qu'il fallait s'arrêter à Conakry, c'était une erreur parce que Cornu Gentil avait connu Sékou Touré dans le temps et il croyait avoir sur lui encore beaucoup d'influence. Or, ça n'était plus vrai. Quatre années avaient été passées et Cornu Gentil n'avait plus aucune influence sur Sékou Touré qui était un homme orgueilleux, énergique, je dois dire, populaire également, sans grand scrupule pour couronner le tout. Mais alors, quand même, là, Sékou Touré pose un problème. Et là, vous allez me dire, avec le recul, ce que vous pensez du fond du problème. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent voir accéder à l'indépendance puis à la souveraineté internationale, les pays, État par État. Ouais. Et puis, il y a... Alors ça, c'est Oufouette. C'est Oufouette. C'est la Mauritanie. Oui, c'est beaucoup d'autres. C'est aussi le Gabon de Léon Mba. Et alors, de l'autre côté, il y a ces Koutouris, mais il n'est pas tout seul, parce que c'est un peu la vie de Senghor aussi. C'est un peu la vie des Maliens. Voilà, qui veulent qu'on fasse deux grandes fédérations qui perpétuent en quelque sorte l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, l'Afrique équatoriale. Oui. Alors, au fond, quand on voit ce qu'est devenu l'Afrique depuis, qui avait raison? Moi, je crois que les grandes fédérations n'auraient pas tenu. N'auraient pas tenu. Vous me direz que déjà les États ne tiennent pas tel qu'ils sont. Les États ont déjà du mal à tenir, alors les grandes fédérations n'auraient pas tenu. Parce que Oufouette aurait fait sécession, la Mauritanie aurait fait sécession. Oui. Est-ce que vous croyez que le général de Gaulle aurait envoyé l'armée française pour écraser la sécession d'Oufouette et pour écraser la sécession mauritanienne? Il ne l'aurait sûrement pas fait. Alors, est-ce que ce problème de la balkanisation a été la seule raison pour laquelle Sékou Touré a décidé de prendre le large, ou bien c'est parce qu'il était complètement paranoïaque, ou bien c'est parce qu'il était déjà entre les mains de quelques puissances étrangères qu'on en devine? Non. Un mélange de tout cela. Alors, il y a eu un mélange de tout cela. Il y avait d'abord l'ambition personnelle. Sékou Touré pensait que s'il y avait une grande fédération, il en serait le maître. À travers un peu le RDA, mais ça c'était très difficile parce que Oufouette contrôlait bien le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Mais à travers les syndicats, car c'est Sékou Touré qui était le patron des syndicats africains, la CGTA, la CGT africaine. Et Sékou Touré espérait devenir le maître de cet ensemble-là. Je crois que l'ambition personnelle de Sékou Touré a joué un rôle très très important. Mais je reconnais que la thèse qu'il soutenait... il n'était pas le seul à la soutenir. C'est ça. Voilà. Enfin, les autres n'ont pas pris la même manière que lui de la soutenir. Alors, les autres, ou bien y ont renoncé complètement, c'était le cas de Senghor. Après la petite expérience du Mali. Sa malheureuse expérience du Mali. À laquelle il a lui-même mis fin, d'ailleurs. Oui. Manu Militari. Et d'autres y ont renoncé parce que ils avaient constaté que ça n'était pas une bonne solution. Donc, si par hypothèse... la France avait accepté de maintenir comme des États indépendants les deux grandes fédérations de l'AOF et de l'AEF, à mon avis, les sécessions seraient intervenues très rapidement. Oui, donc ça n'était pas jouable. C'était pas viable. Oui, c'était pas viable. On a vu d'ailleurs que, même à l'intérieur de la communauté, plus tard... on aura le même phénomène, en fin de compte, qui se reproduira avec le Sénégal d'une part, et puis la Côte d'Ivoire d'autre part, qui fera une sorte de surenchère sur l'accession à la souveraineté internationale intégrale. Donc là, vous vivez vos dernières heures africaines, en quelque sorte. Le 22 décembre 1959, vous quittez Dakar. Vous dites, citant Malraux, que c'est un transfert de destin. Oui, c'est plutôt Malraux qui me cite parce que... C'est Malraux qui vous cite, voilà. C'est plutôt Malraux qui m'a cité que moi. Mais je reconnais que mon départ de Dakar a eu quelque chose de terriblement impressionnant. Vous avez 44 ans, vous êtes toujours très jeune. Pour moi qui quittais Dakar et qui par conséquent avait d'une certaine façon le cœur brisé... Mais pour tout le monde, pour les Dakarawas noirs et blancs, j'ai quitté le gouvernement général et j'avais décidé de repartir par bateau en France. Oui, vous décrivez votre départ d'ailleurs, qui est très émouvant. Je suis sorti du gouvernement général et il y avait toute la garnison de Dakar qui était en ligne en direction du port pour me rendre les honneurs, et il y avait sur la place Protais des milliers de Dakarois noirs et blancs qui assistaient à cela. C'était à la fin de la journée, il était 6h ou 6h30, c'est-à-dire à Dakar, le soir commençait à tomber, et je suis passé à pied seul, dans un silence, mais incroyable. On aurait entendu une mouche voler parce que tout le monde avait la conscience qu'il y avait une époque qui se terminait. Alors il n'y avait ni applaudissements, ni sifflets, ni rien. Il y avait un silence, une sorte de recueillement de milliers de personnes qui assistaient au départ du dernier gouverneur général. Mais si nostalgique que vous ayez été, vous étiez totalement acquis à l'évolution et au changement des choses. Tout à fait, j'avais. Oui. Je dois dire que non seulement j'y étais acquis, mais j'y avais énormément participé. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, je m'aperçois qu'on a omis cette période de votre vie quand vous avez été directeur de cabinet de Gaston Defferre et que vous avez préparé la fameuse loi cadre qui a marqué une évolution importante. Oui, j'ai été pendant trois mois directeur de cabinet de Gaston Defferre, précisément avec la mission de préparer cette loi cadre. Et dès qu'elle a été terminée, dès que le travail administratif a été terminé. Vous êtes reparti en Afrique. Je suis reparti en Afrique au bout de 3 mois. Mais cette loi cadre, bon, qui... qui a été la transition vers l'indépendance. Vers l'indépendance, vers la nouvelle constitution. Disons que la loi cadre, c'était l'autonomie interne. C'était l'autonomie interne, voilà. Et la nouvelle constitution de 58, du 28 septembre 58, va évidemment tourner cette page. Oui. Mais en réalité, cette loi cadre aura été... Ah oui, oui, c'était une transition. C'était une transition très utile, à mon avis. Voilà, Pierre Messmer, eh bien, nous nous retrouverons à nouveau demain, et là, nous allons entrer dans le vif de votre vie politique. À demain, merci. C'était À voix nue, Pierre Messmer, une jeunesse aventureuse, la France libre devient la France combattante, puis de la Mauritanie à Dakar. Les 3 premiers volets d'une série proposée par Philippe de Saint-Robert, réalisée par Daniel Finot, première diffusion sur France Culture, les 8, 9 et 10 décembre 1997. À suivre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, écouter en ligne durant 1000 jours ou télécharger durant 1 an.